Le père Goriot parlait tout seul. Madame de Nucingen avait emmené Rastignac dans le cabinet où le bruit d'un baiser retentit, quelque légèrement qu'il fût pris. Cette pièce était en rapport avec l'élégance de l'appartement, dans lequel, d'ailleurs, rien ne manquait. « A-t-on bien deviné vos vœux ? » dit-elle, en revenant dans le salon pour se mettre à table. « Oui, dit-il, trop bien. Hélas, ce luxe si complet, ces beaux rêves réalisés, toutes les poésies d'une vie jeune, élégante, je les sens trop, pour ne pas les mériter. Mais je ne puis les accepter de vous, et je suis trop pauvre encore pour... « Ah ah, vous me résistez déjà !» dit-elle d'un petit air d'autorité railleuse, en faisant une de ces jolies moues que font les femmes quand elles veulent se moquer de quelques scrupules pour le mieux dissiper. Eugène s'était trop solennellement interrogé pendant cette journée, et l'arrestation de Vautrin, en lui montrant la profondeur de l'abîme dans lequel il avait failli rouler, venait de trop bien corroborer ses sentiments nobles et sa délicatesse pour qu'il cédât à cette caressante réfutation de ses idées généreuses. Une profonde tristesse s'empara de lui.